L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur au jour de ta puissance. Dans la splendeur de la sainteté, du sein de l'aurore te vient la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré. S'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il brise les rois au jour de sa colère. C'est pourquoi il relève.